Le clavier vibre sous les doigts comme un souffle. Chaque pixel respire, chaque lumière s'étouffe. Riders qu'il glisse dans l'ombre et la lueur. Le monde s'ouvre mystérieux et enchanteur. Les univers s'étendent, la bière se traite. Chaque victoire captive, chaque échec nous rend parfait. Le glamour naît du frisson des quêtes imprévues. Chaque mouvement écrit une poésie reconnue. Même ceux qui n'ont jamais touché un monde digital sentent la magie, l'appel sensuel et vital. Chaque regard hypnotisé par l'énergie qui monte. Chaque joueur découvre une passion qui raconte. Superficiel ennuyeux, chaque mission captive, chaque défi charme. L'amour du jeu devient une élégante arme. Ride skill avance, il white entre lumière et ombre. Chaque victoire.